Le collège donnait, comme tous les collèges, comme toutes les prisons, sur une rue obscure. Le bout de cette rue était bruyant. Il y avait des cabarets, des bouchons, comme on disait. Le cabaret crie, embaume, empeste, fume et bourdonne. À 2 minutes de là, le collège moisit, sue l'ennui et pue l'encre. Les gens qui entrent, ceux qui sortent, éteignent leurs regards, leurs voix, leurs pas, pour ne pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l'étude. Quelle odeur de vieux! C'est mademoiselle Balandreau qui m'y conduit. Ma mère est souffrante. On me fait mon panier avant de partir, et je vais m'enfermer là-dedans jusqu'à 8 heures du soir. À ce moment-là, mademoiselle Balandreau revient et me ramène. J'ai le cœur bien gros, quelquefois, et je lui compte mes peines en sanglotant. Mon père fait la première étude, celle des élèves de mathématiques, on dirait aujourd'hui terminale S, de rhétorique, première A, et de philosophie, terminale A. Il n'est pas aimé, on dit qu'il est chien. Il a obtenu du proviseur la permission de me garder dans son étude, près de sa chaire, et je suis là, piochant mes devoirs à ses côtés, tandis qu'il prépare son agrégation. Il a eu tort de me prendre avec lui. Les grands ne sont pas trop méchants pour moi. Ils me voient timide, craintif, appliqué. Ils ne me disent rien qui me fasse de la peine, mais j'entends ce qu'ils disent de mon père, comment ils l'appellent, ils se moquent de son grand nez, de son vieux paletot, ils le rendent ridicule à mes yeux d'enfant, et je souffre sans qu'ils le sachent. J'écoute, sans paraître les avoir entendus, les moqueries qui atteignent mon père. C'est dur pour un enfant de 10 ans. Il est arrivé que j'ai eu très faim, quelques-uns de ces soirs-là, quand on tardait trop à venir. Comme je maudissais mademoiselle Balandreau qui n'arrivait pas. J'ai su depuis qu'on la retenait exprès. Ma mère avait soutenu à mon père que s'il n'était pas une poule mouillée, il pourrait me fournir mon souper avec les restes du sien, ou avec le supplément qu'il demanderait au réfectoire. Mon père avait toujours résisté, le pauvre homme. La peur d'être vu, le ridicule s'il était surpris, la honte. Ma mère tâchait de lui forcer la main de temps en temps, en me laissant affamé dans son étude à l'heure du souper. Il ne cédait pas. Il préférait que je souffrisse un peu. Et il avait raison. Je me souviens pourtant d'une fois où il s'échappa du réfectoire pour me porter une petite côtelette panée qu'il tira d'un cahier de thème où il l'avait cachée. Il avait l'air si troublé et repartit si ému. Je vois encore la place. Je me rappelle la couleur du cahier. Et j'ai pardonné bien des torts plus tard à mon père en souvenir de cette côtelette chipée pour son fils, un soir, au lycée Dupuis.